là je me suis muté. Je me suis muté parce que je veux pas qu'ils m'entendent. Voilà, ils sont en train de jouer là. Je sais pas ce qu'ils font là. J'écoute. Donc apparemment c'est du son. C'est ambiance. Ok. Je vais dire bonjour. Il y a un clavier. Il est tout seul. Je vais mettre un son.